Fatigué, détresse de la quarantaine, condamné à mesurer, à surveiller ma bedaine. Standardisé, je paye pour souffrir sportivement, abonné à transpirer pour réussir à rester excitant. Érotisé, je passe toutes mes fins de semaine à explorer de nouveaux plaisirs loin de ma vie quotidienne. Démodé, obligé d'essayer pourtant, d'échanger, de m'exhiber, de mélanger, bref, de faire différent. Allô Marie-Thérèse, tu voudrais pas passer, je crois bien que tout ça me pèse. Viens me couvrir de baisers, de caresses, m'arracher toutes ces choses qui blessent. Passer la nuit à avouer mes faiblesses, viens me décoller de mon stress. Oui, passer la nuit à noyer ma tristesse, viens me donner ta tendresse. Par hasard, diplômé à Harvard, je passe 12 heures enfermé dans un placard à faire germer du dollar. Compressé, cadre à plein temps, performant, décalé, je me fais croire qu'à tout moment je peux me tirer chez le concurrent. Allô Marie-Thérèse, tu voudrais pas m'amener, je suis de moins en moins à l'aise. On pourrait télétravailler au soleil avant que tout le monde ait fait pareil. Pourquoi pas claquer la porte à tout ça, rester entre toi et moi? Oui, pourquoi pas finir comme de vieux babas? Internet, nous voilà. Le jour de ma naissance, je crois bien que j'ai pas eu de chance. J'aurais pu être premier, et je suis même pas dernier. Le jour où je suis né, j'ai pas imaginé qu'entre 0 et 1, je trouverais pas mon chemin. Allô Marie-Thérèse, tu voudrais pas m'aimer, je crois que je suis près du malaise. On pourrait habiter tous les deux, faire comme les gens heureux. Pourquoi pas faire un bébé toi et moi, je pourrais jouer au papa. Oui, pourquoi pas, même s'il est pas numéro un, nous on s'en fout, nous on sera bien. Oui, pourquoi pas qu'il soit 0 ou 1, nous on s'en fout. Puis lui,